Depuis plus de 40 ans, l'équipe de Hydromec déploie tous les efforts nécessaires afin de bien servir sa clientèle. En cette période de réjouissance, l'équipe de Hydromec ainsi que le personnel souhaitent joyeux Noël et bonne année à toute la population. Hydromec au 2921 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini au 418-276-5831. On va parler... La direction et le personnel du restaurant Midas vous souhaitent de joyeuses fêtes. Paix, santé et bonheur sont les vœux du propriétaire, M. Danny Potvin, qui vous invite à venir goûter son nouveau poulet frit qui fera le délice de tous. Le restaurant Midas est situé au 1084 route 169 Saint-Félicien, au numéro de téléphone 418-679-0900. L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année. Et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets, ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Cette semaine, c'était la fête d'un des doyens de Radio-Canada, Camille Dubé, qui fêtait ses 73e anniversaire. Et question de savoir un peu comment, prendre des nouvelles un peu de lui. On sait qu'on a perdu un autre Raymond Lebrun cet été. On va parler avec Camille Dubé. Bonjour, M. Dubé. Bonjour. M. Dubé, comment ça va la santé? D'abord, je veux vous souhaiter un joyeux anniversaire, 73 ans. Ça passe vite. Ah, ok, ok. Ah, effectivement. C'est vrai, le 12, j'ai 73 ans, c'est tout, ça va bien, la santé est bonne, tout est en ordre, et vivre comme je vis aujourd'hui, ben, je peux vivre comme ça jusqu'à 100 ans. Ah, ben, c'est. Je vais en décourager plusieurs. Non. Monsieur Dubé, c'est quand même le fun de voir parce que des doyens comme vous à Radio-Canada, il en reste plus beaucoup, hein? Ben, doyen, c'est un grand mot, mais non, je pense que ça a changé beaucoup avec le temps. Et d'ailleurs, lorsque l'on m'a congédié, je dois l'avouer maintenant, je l'ai déjà avoué, même si une personne de ressources humaines me disait que je n'avais pas le droit de prononcer ce mot, congédiement. Il ne devait plus y avoir de sport. Déjà, c'était en 2006-2007. Oui. Alors, imaginez-vous que depuis 10 ans, que tout a changé. À Ottawa, où j'ai déjà travaillé, il n'y avait pas d'argent pour louer. Okay. On louait le Château Laurier. À Montréal, il y avait déjà une tour de chiffongi qu'un ami appelait affectueusement. Chiffongi. Mm. C'est vendu. En tout cas, tout a changé. À l'intérieur de cette boîte, ce n'est plus ce que c'était. Il n'y a plus de production. Ouais. Il n'y avait qu'une seule production qui appartenait à Radio-Canada. C'était, je pense... Le chien noir ou quelque chose du genre, là. OK, OK. J'avais un ami qui travaillait déjà là-dedans. Et il n'y a plus de produits. Tout est acheté. Tout est... Ben, il fallait se rendre compte et se rendre à l'évidence. Déjà en 1998, je disais, après les Olympiques de Nagano, ben, écoutez, nous sommes les derniers à produire quelque chose à partir d'un événement. Parce qu'il n'y aura plus de production Radio-Canada, tout est vendu. OK, OK. Et actuellement, on construit un autre édifice où ce sera loué. Pourquoi la location n'était plus bonne à Ottawa et qu'elle est bonne maintenant à Montréal? J'en sais rien, c'est la tête. Ben, c'est des décisions gouvernementales, hein, des fois c'est très difficile à prendre, c'est très difficile à comprendre des fois. Là. On n'a qu'à voir comment le Québec est mené et le Canada... Puis des fois, on se pose des questions. On n'a pas besoin de se poser des questions. Mais, M. Dubé, vous avez 73 ans, vous n'êtes pas à bout d'âge. Aux États-Unis, tu as des Brent Mars Burger qui ont travaillé pendant longtemps. Dick Enberg, comment il s'appelle? Howard Cosell. Howard Cosell, le descripteur des Dodgers l'an passé, là, dont son nom m'échappe. Là. Vince Scully, oui, effectivement. Ils ont travaillé jusqu'à 82-83 ans. Après votre départ de Radio-Canada, c'est pas quelque chose que vous avez tenté de, peut-être à l'RDS, quelque chose de même? À RDS, on m'a offert d'y aller en 1989. J'ai même eu un appel. J'étais à San Diego, je pense. Ouais. Oui, c'est ça. Un matin, le téléphone a sonné à 6 heures à ma chambre d'hôtel. Et c'était RDS, le jour de l'ouverture. OK. 1er septembre 89. On m'avait fait des offres. OK. Mais bon, à Radio-Canada, il faut être jeune encore. Mais je dois dire qu'il y a de très bons jeunes. Et un monsieur qui travaille aujourd'hui pour la CAQ a déjà travaillé à Radio-Canada, même s'il n'était pas assez bon pour demeurer à CKC, CGMS, que j'étais un écraseur de relève. Ah, alors, okay. Au contraire, ouais, c'est ce qui se promenait dans la direction de Radio-Canada. C'est tout à fait faux, parce que j'ai déjà, en 1984, lorsque j'étais transféré d'Ottawa à Montréal, je disais, mais mon Dieu, il n'y a pas de relève ici. Il faudrait m'en préparer, il faudrait... Et à Radio-Canada, non. Il faut être jeune, beau, et dire n'importe quoi. Parole est parole, et vous connaissez sans doute la chanson, peut-être. Ouais, ouais. C'est à peu près ça, à Radio-Canada. Au niveau de la direction, mais au niveau des gens, comme Céline Galipeau, par exemple, c'est une très grande personne. J'en conviens, j'ai connu, j'ai rencontré Céline à quelques endroits. Bon, les gens que le public connaît, mais il y a aussi beaucoup de monde derrière. Ouais. C'est toute une gestion qui... Bon, le conseil d'administration. On change de président bientôt, là. Et M. Lacroix, que j'ai bien connu, j'attends encore des réponses de sa part. Et qui date de 2009. Sur quoi? Ben, j'ai demandé pourquoi on m'avait congédié. OK. J'ai toujours pas de réponse. Mais ça, c'est une autre vie. Oui, c'est une autre vie, effectivement. C'est une autre vie. Une autre vie. Je veux dire, on est en 2017. Je vis en 2017. Mais j'attends encore de Radio-Canada. Ouais. OK. Il y a M. Saint-Laurent, bon, et tout le reste. Je ne veux pas m'élaborer trop longtemps sur Radio-Canada, que je n'écoute plus d'ailleurs. Et monsieur? Oui, il y a certaines émissions comme Découverte, mais c'est la BBC. C'est très bien. C'est très bien fait avec mon ami Charles Tser. Tser est un homme très intelligent, très méthodique, et il connaît son histoire. Ça, c'est vrai. Les gens que j'ai côtoyés, il y en a qui sont partis aujourd'hui, là, comme les Duval, Raymond Lebrun, que vous n'avez pas connu, François Lavallée, qui est décédé ce printemps. En regardant un match de hockey, on l'a trouvé mort le lendemain. Il était plus jeune que nous. Il avait François même... Lavallée, non, ça ne me dit rien. Ça, c'était-tu... Non, c'était un réalisateur. OK. Il travaillait derrière la caméra. Mais ce sont des gens compétents. Mais à côté de tout ça, il y a une direction aussi, hein, qui ne sait pas toujours ce qui se passe. Est-ce que c'était une erreur? Est-ce que c'était une erreur selon vous, M. Dubé, que Radio-Canada abandonne la soirée du hockey? Ben, ce fut une erreur, oui, parce que on disait que ça ne rapportait pas, c'est faux. Le baseball, on disait que ça ne rapportait pas, c'est faux. Bon, écoutez, M. Pichette, qui est aujourd'hui le porte-parole de Radio-Canada, dit ce qu'on lui demande de dire. Bon, c'est qui, lui? Le connaissez-vous? Non, je le connais pas. C'est un nom. Mais j'ai vu récemment ce qui s'est passé à Trois-Rivières. C'est une filiale de Radio-Canada, si l'on veut. C'est malheureux, mais il faudrait peut-être faire une enquête sur ce qu'est la tête du réseau français, et lisez le livre de Knowlton Nash, du réseau anglais. C'est pas mieux. Je ne sais pas si vous regardez les deux réseaux, là. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est que Radio-Canada, et là, je vais revenir sur le sport, là, mais je vais juste faire une théorie. Radio-Canada, avant, il y avait les Bernard de Rome, les Denise Bombardier, les Pierre Nadeau, c'était des médias, c'était un média qui était une référence. Maintenant, c'est rendu peut-être plus de la propagande. Là. Fait que... Ben, c'est ce que c'est actuellement. Il y a un peu de... Ben, où est-ce qu'est rendu Joyce Napier, par exemple? Qui est très parfaitement bilingue. C'est la personne très intelligente. Elle travaillait déjà à Radio-Canada, français. Mais elle travaillait aussi pour les Anglais. Elle est rendue à CTV. Ouais. Bon. Lloyd Robertson, c'est un produit radio-canadien anglais qui a fini sa carrière à CTV. Je veux dire, il y a des gens qui ont compris rapidement que le réseau, les réseaux de Radio-Canada, politiquement, ne sont pas viables. Oui. Mais c'est... J'arrête là. Oui, mais c'est très, très... C'est méchant envers la société. Ouais. Et les ministres qui se sont succédés, comme aujourd'hui, Madame... comment s'appelle-t-elle? Jolie? Mélanie Jolie, oui. Mélanie Jolie, oui. Bon, je veux dire, qu'est-ce qu'elles connaissent de la diffusion? De la création. J'en sais rien. Ouais. Hey, monsieur Dubé, on va revenir au sport. Votre meilleur souvenir dans votre carrière, c'est quoi? Ah, il y en a eu plusieurs. Ouais. Mais votre meilleur, là, c'est quoi? Radio-Canada, c'était les Olympiques, c'était la référence dans le domaine olympique. J'imagine que c'est les Olympiques. Ben oui, il y a eu les premiers Olympiques à Montréal où j'ai été déclaré par M. Blais comme étant la découverte, alors que j'avais accepté d'aller succéder à Pierre Dufault à Ottawa, lui qui s'amenait à Montréal après les Jeux Olympiques de 1972. Je n'étais pas à Munich au moment des Fédayines, l'attaque des Fédayines. Pierre Dufault, il l'était. J'avais déjà un emploi à Montréal comme journaliste, mais on m'avait demandé, parce que j'aimais beaucoup le sport, si j'acceptais si Ottawa m'appelle. Je suis allé là-bas. Et à partir de là, on m'avait dit en 1975, tu t'en viendras à Montréal. Bon, OK, mais j'avais déjà une offre pour aller à Montréal, mais peu importe. J'ai accepté d'aller à Ottawa à la place pour mieux me préparer au sport. Et on m'avait dit déjà en 75, lors de sélections qui ont été faites politiquement, bien sûr, vous restez à Ottawa. Merci beaucoup. Mais après les Jeux olympiques de 1976, à Montréal, Monsieur Jean Blais, qui m'avait déjà dit que je perdais mon temps, à Montréal, il a dit non, je dois remettre et reconnaître que j'ai fait une erreur. Vous êtes la découverte des Jeux olympiques de Montréal. Ah bon, ben merci beaucoup, M. Blaise. Je ne veux pas me vanter, mais je pense que je connaissais les sports dont je parlais. Ben oui, c'était vraiment une bonne référence. Bien d'autres. Moi, je me rappelle de Camille Dubé, c'était le descripteur du plus long match de l'histoire des Expos. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur YouTube, 6h18, vous pouvez... Et moi, je me rappelle de Camille Dubé, le gars sur le terrain du football canadien, avec Pierre Dufault, Pierre Dumont. Très bon, c'était très bon aussi. 3D. Et, pardon? Les 3D. Oui, les 3D, c'était excellent, ça. Oui. Je me rappelle de Camille Dubé qui était un amateur de boxe, qui décrivait la boxe aux Olympiques. Donc, je me rappelle très bien de vous, bref. Là. D'après ce que je vois, oui. Non, j'ai à peu près touché à tout. Tout ce qui était sport, j'ai touché à peu près à tout. Je me souviens même de 1988 à Séoul, où j'avais été critiqué dans la presse par un monsieur Bernatché. Parce que je parlais des couleurs. Il dit, mais pour la radio, c'est pas fort. Non, mais pour la télévision, oui. C'est parce que je décrivais les deux. Je devais, une fois sur place, décrire et pour la radio et pour la TV. Alors, les gants rouges, pour les gens qui regardaient la télé, ça pouvait dire quelque chose. Des gants bleus, ça peut dire... Mais pour la radio, non. Ça ne dure rien parce que les gens ne le voient pas. Ouais. Mais peu importe, j'avais été critiqué pour ça. Ben, il fallait que je prenne la critique comme Ouais. En bon garçon, on peut ne pas dire un mot parce que c'était le patron qui me le demandait. Ouais, oui, oui. M. Dubé, il y en a plusieurs aussi ben, qui aiment ça avoir des nouvelles de l'ancienne gang de Radio-Canada. Bon, on sait que Raymond Lemoyne est décédé cet été. Oui. Quand on s'était parlé, Claude Canville allait pas bien. Est-ce que vous avez des nouvelles récentes de Claude Canville? Les dernières nouvelles que j'ai eues de mon ami Claude, je vous dis encore mon ami, j'ai pas de problème avec ça, il jouait au golf au mois d'août. Ah, c'est bon. Mais, oui, c'était irrégulier un peu son problème de santé. Je pense que c'était une maladie presque incurable. J'en sais pas plus qu'il ne faut parce que Claude... Mais c'était pas une leucémie? J'avais entendu dire que c'était une leucémie, moi. Ben, il y avait une forme de leucémie. Ouais. Ouais, mais c'était quelle forme, j'en sais rien. OK, OK. Pierre Dufour... Mais actuellement, il est peut-être un peu en rémission, mais c'est pour combien de temps? Ça OK. Ça peut durer un an, deux ans, trois ans, j'en sais rien. Pierre Dufour va bien, lui, je pense? Pierre, ouais. Il y a un bon moment, je ne l'ai pas vu, mais... On allait déjeuner ensemble à l'époque où François Lavallée vivait toujours, mais François, on le sait, il est décédé. Il y avait André Brisset, vous n'aviez pas connu, mais j'ai fait des émissions avec lui sur les autobus à Londres. Ouais. Et à ce moment-là, on s'était fait dire par Radio-Canada, même si nous, ça nous coûtait de l'argent de nos poches, bon, vous devriez être content, vous faites de vos voyages. Ah ouais. C'est bien. On peut en rire aujourd'hui, mais c'était une madame qui m'avait donné le message que je défendais pour trois personnes. André Brisset, le caméraman et moi-même. Okay. Ça nous coûte de l'argent de nos poches. C'est pas compliqué parce que une soupe et une pointe de pizza à Piccadilly Circus l'après-midi, c'était la moitié ou 60% d'un per diem. Et monsieur? On paye pour le reste, le souper, puis tout ça. En tout cas, c'est pas grave. Non, comme disait Radio-Canada, vous faites de beaux voyages. oui, c'est vrai. Mais on vous sent amer avec Radio-Canada. Est-ce que je me trompe? Non, mais amer, jusqu'à. C'est amer, non. Maintenant, mais je raconte seulement ce qui a été vécu. Ça semble amer. Ouais, tant mieux, tant pis. Vous savez, à la Radio-Canada, il y a, par le sport et d'autres téléviseurs aujourd'hui, ont eu beaucoup, beaucoup du sport de Radio-Canada. Je pense au marathon de Montréal, par exemple, où j'ai déjà travaillé dans un sidecar, un à côté, une bicyclette à côté, pour une caméra, puis tout le reste, pour dire où est-ce qu'on était rendu. Les caméras à... pour éviter les soubresauts, c'est inventé par Radio-Canada. Aujourd'hui, il n'y en a plus de ça. C'est fait ailleurs. On suit, on prend ces découvertes-là et on les améliore, mais les découvertes viennent de personnel de Radio-Canada. Je me souviens des Jeux olympiques de 1988 à Calgary, l'hiver. Okay. On ne devait pas y aller, mais finalement, on m'a demandé, viendrais-tu? Marie-Josée Turcotte, que j'admire et que j'aime bien, mais je veux dire, pourrais-tu venir comme animateur pour la télévision de Radio-Canada? Mais c'était des ingénieurs de Radio-Canada qui ont aidé CTV à lancer les Jeux olympiques d'hiver et TVA par Ricochet. Mais peu importe, je veux dire, tout ça, c'est personne n'en parle au niveau de la direction. Ah, moi, je vais vous dire une affaire, en tout cas, comme je l'ai dit, est-ce que vous pensez, on va se terminer là-dessus, que moi, je pense qu'avec RDS, TVA Sports, c'est quand même quelque chose de... vraiment, c'est plus ce que c'était, là, dans le temps je me rappelle, Radio-Canada, quand j'ai commencé, c'était la NFL avec Jean Séguin et Raymond Lebrun, c'était la Ligue canadienne, c'était le baseball des Expos avec Guy Ferron, il y avait Jean-Pierre Roy, il y avait le hockey avec René Lecavalier. C'est sûr que c'est plus pareil, mais est-ce que Radio-Canada, puis ils le font sur le web aussi, mais devrait présenter plus de sports amateurs. Je sais que CBC le font, mais avec Jean-Pierre Brassard, pas Jean-Pierre Brassard, mais Jean-Luc Brassard l'année passée a fait une sortie contre les médias québécois qu'on parlait pas assez de sports amateurs. Moi, je pense que le samedi après-midi, comme CBC, ce serait quoi de présenter du sport amateur? Pas cher, mon vieux. Mais on dit que ça coûte trop cher. Mais ça coûte pas cher. Tu mets, tu mets le feed de l'extérieur, puis tu prends le feed, ben, puis tu mets des gars à Montréal. Oui, on peut avoir des gens en studio, ça coûte moins cher, puis mais c'est que et ça couvre du temps d'antenne. Comme on disait pour le baseball à une époque. Ouais. C'était bon l'été, ça couvrait du temps d'antenne. Mais c'était ça rapportait quand même. Oui. Il y avait des bonnes codes d'écoute, les expos, dans le temps des expos, le BEV. Oui. Ouais, donc, dans le temps, pas dernier. Brian Gumbel. Oui. Oui, j'en ai parlé récemment, Brian Gumbel, qui était en 1981, quand les expos sont allés en éliminatoire du baseball. Il s'était présenté au stade olympique avec Tuck et Mitaine et tout le reste. Ah ouais. Et il disait ça ne devrait jamais se présenter, mais l'année suivante, l'ouverture des expos, c'était à Pittsburgh. Et ça avait terminé les trois parties à cause de la neige. Oui, effectivement. Voyez-vous, qui dit vrai, mais Brian Gumbel travaille encore. Oui. Nous, on travaille. Je pense qu'il est à NFL Network, Brian Gumbel, si je ne m'abuse. Il était. Oui, puis je pense qu'il travaille pour HBO. Le Fox Network aussi. Fox Network également. Mais peu importe. Je dirais, pour quelques millions par année, c'est pas grave, ça. C'est pas l'argent. C'est purement et simplement. Comme actuellement, à RDS, il y a de très bonnes personnes qui sont là. Les toutes premières. Les autres, ben, on doit apprendre. À TVA Sport, c'est une autre chose. Il y a des gens de TVA Sport qui sont revenus à Radio-Canada, qui ont déjà été à Radio-Canada, je pense à M. Lacasse, entre autres. Mais les gens ne savent pas tout cela et n'ont pas besoin de le savoir non plus. Non, effectivement. Mais le sport amateur, je pense que Radio-Canada devrait être là le samedi. Ils le font sur le web, mais le web, ça reste le web. Oui, mais savez-vous que déjà, on a dit, pour le sport, à Radio-Canada, il faudra parler du Canadien de Montréal, des Sénateurs d'Ottawa, des expos qui existaient à l'époque, et ça s'arrêtait là, il y avait une minute et demie. Mm. Alors, ce qui se passait sur la scène internationale en sport amateur, que ce soit des Québécois ou des Canadiens, j'ai fait les Jeux du Canada plusieurs fois, depuis 1975, on en a plusieurs, dans l'amateurisme, je pense, c'est incroyable. Les médailles remportées par Gaëtan Boucher à Sarajevo, ben, qui a été détruit éventuellement, mais ça vient d'où? Ça vient du sport amateur. Mm. Et à Radio-Canada, on n'en parle pas. Ben, plus récemment, t'as eu Alex Harvey, Eric Gay. On n'aurait pas le droit d'en parler. Aujourd'hui, on n'aurait pas le droit d'en parler. Je veux dire, ça demeure mais c'est l'amateurisme professionnel, si l'on veut. Mais il reste que ce sont des athlètes qui sont de chez nous. Mm. On devra pouvoir en parler. Oui, effectivement. Mais non. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Monsieur Dupé, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Ça fut fort agréable. Ça va être le fun de mettre notre placotage à date de temps en haut. Les gens ont de bons souvenirs de la gang de Radio-Canada avec les vestons bleu poudre, là. Il reste vous, Jean Pagé, puis bien du fond. Ah, mais Jean, il a engraissé parce qu'il est. Il était malade, je pense. Ouais, c'est beaucoup. Ça va mieux maintenant, mais il a recommencé des traitements chimio. Là. Ah, ok. Autant vous le dire. Je pense que lui-même n'en parlera jamais. Sa fille en a parlé, qui est en médecine, mais que voulez-vous qu'on y fasse? Ouais. Il n'y a plus rien. La vie, c'est la vie. Hein. Ouais, puis pour moi, ça va très bien, comme je vous l'ai dit au tout début, et encore aujourd'hui, ça va de mieux en mieux. Ben, Monsieur Dubé, on va s'en reparler peut-être une fois par année, tiens, pour mettre un peu notre placotage là. Voilà, donc, c'était Camille Dubé. Je vous souhaite de joyeuses fêtes en passant. Merci à tous vos auditeurs également et à vous-même. Oui, effectivement. Camille Dubé, anciennement de Radio-Canada. Merci, Monsieur Dubé. Très intéressant.